que c'est Zipap. Un grand poète, un grand poète du Québec, chantez calmement, plume, chantez calmement, net, net, sec. On peut pas être indépendant et puis tout avoir en même temps.